Être sûr d'être sûr. Mais vous savez qu'est-ce que ça implique, être sûr d'être sûr? Si vous êtes sûr d'être sûr, si vous mettez engageur 10 cents sur une table de poker, vous pouvez vous permettre d'être sûr de gagner. Et si vous perdez, vous allez dire, ah ben, je pensais que j'étais sûr d'être sûr, mais plus tard. Mais si vous mettez 1 million sur la table de poker, vous êtes mieux d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr. C'est ça. Ouais, et si vous êtes sûr d'être sûr, d'être sûr, comme moi, si je ne gamble pas, mais si je faisais ceci, je serais sûr d'être sûr, d'être sûr. À ce moment-là, je gagnerais. Je mettrais 1 million, je mettrais 5 millions sur la table, je gagnerais. Mais je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas le temps de le faire. C'est la vibration, il faut qu'elle passe. Il y a quelqu'un qui vient de le vérifier récemment. Il a gagné un premier million en étant sûr d'être sûr. Et puis la deuxième fois, il a perdu. Mais tu es sûr d'être sûr aussi. Alors, les probabilités, c'est quoi pour vous, la loi de probabilité? Les lois de probabilité sont des lois de l'âme. Ce sont des lois de l'âme. Ce sont des lois expérimentales qui ont la fonction de démontrer à l'homme, de par son impuissance, qu'il possède une conscience assujetti à un monde. Et là, selon sa domination, sa religion, sa philosophie, mais à un monde plus puissant que lui. Ceci fait partie de l'évolution. Dans l'évolution, les lois de la probabilité n'existeront plus pour l'homme, et à cause de ceci, l'homme aura accès à sa destinée. Il aura accès à son avenir. L'homme pourra dire, dans 20 ans, je ferai telle chose, tel jour, telle heure, telle date. Mais pour que l'homme puisse en arriver à créer sa vie, à programmer sa vie, au lieu que sa vie soit programmée par les forces de l'âme, les forces astrales, pendant le cycle de l'évolution, il faut qu'il soit en connexion avec sa propre énergie. Il faut qu'il soit lié avec sa lumière. Il faut qu'il soit dans sa lumière. C'est ça la nouvelle évolution. Alors, les lois de probabilité, c'est donc tout ce qu'on ne connaît pas par définition. Les lois de probabilité sont l'expression dans le monde de l'homme d'une vitalité qui est planétaire, qui n'est pas sous son contrôle, qui fait partie de son expérience, qui fait partie du besoin du développement de certaines expressions pour la construction d'un mémoriel qui devient finalement tout le matériel utilisé sur le plan de l'esprit pour la construction des modèles d'évolution future, parce que l'âme de l'homme, elle est utilisée dans les sphères comme on utilise, par exemple, dans l'électronique, une mémoire électronique. Donc, l'âme de l'homme, quand l'homme meurt, il retourne sur les plans, il est mémoire, sa mémoire, elle est utilisée, et on composera avec cette mémoire un nouveau corps mental, un nouveau corps astral, un nouveau corps matériel, un nouveau corps vital, et on le projettera dans un certain temps, lorsqu'il lui sera permis de s'intégrer ou de s'incarner dans une civilisation quelconque, que ce soit ici ou ailleurs, on lui aura façonné un nouveau système, un nouveau corps. Psychique, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas ça, l'homme. Ce n'est pas ça, l'homme. L'homme, c'est la partie en arrière de ceci. C'est la partie invisible de ceci. C'est ce que j'appelle le double. Ça, c'est l'homme. Mais ça, c'est l'homme de lumière. C'est l'homme-lumière. Ces deux aspects, le matériel et la lumière, s'unissent ensemble avec l'évolution et créent ce qu'on appelle le surhomme, l'homme de la nouvelle race, racine, l'homme de l'évolution, et ainsi de suite. Est-ce qu'il ne reste pas un danger dans le fait de ce que vous révélez au niveau de votre savoir, que ce soit récupéré, ce savoir pur soit récupéré par ma mémoire et que ça devienne un savoir mémoriel? Oui, mais éventuellement, ce savoir, si l'homme évolue, il mettra de côté le savoir mémoriel parce qu'il saura lui-même ce que moi je sais, parce que tous les hommes savent. Ça fait partie de la lumière de l'homme, c'est universel la lumière de l'homme. Un homme ne possède pas le savoir. Tous les hommes possèdent le savoir, mais ils n'y ont pas tous accès, parce qu'ils sont trop dans le mémoriel. Donc, ça bloque le savoir. Bien, merci beaucoup, Bernard de Montréal. La deuxième partie est donc disponible maintenant de cette conférence. On vous donne rendez-vous aussi au 15 mars prochain, ici même. Et je vous rappelle que pour sortir, c'est des deux côtés de la scène. Merci beaucoup de votre attention. Au mois prochain.